Ok. Hein. Ok. Ouh. Yeah. Un classique. Ramène un mic ainsi qu'un beat, mon pote. Je te fais un titre, mon pote. Parce que le rythme, mon pote, c'est hip hop. On ramène la joie sur un sample. On est ensemble, on se rassemble. Chacun fait comme bon lui semble. On s'exprime comme mon classe le t'exprime. Avec style, jusque dans le textile. Mais je t'estime, même si tu es de mon extime. Photo ce soir, c'est festif. Les demoiselles sont sexy. Oui, je suis comme un b-boy qui a le time. En public ou dans la chambre, on vit le hip hop lifestyle. On vit l'époque où même des papis et ses collègues savent. Y'a même une mamie en featuring avec Aurel San. Chacun fait ce qu'il veut, de Caris à PNL, de demi-pierre à la stress. Ça reste du hip-hop, chaque vibe est inspiré de quelque chose, le mauvais comme le bon. Quand le paumé donne le temps, ça rend les oreilles sales. Lol, passons, ce soir c'est hip-hop, tout le monde a mis le top. Pick up au big girl et au big boy. Ce qui définit le hip-hop, c'est bien le respect. Le rapper, le breaker, le DJ. Ce qui définit le hip-hop, c'est bien le respect. Je parle, mais en fait, c'est ma version des faits. Ce qui définit le hip-hop, c'est bien le respect. C'est bien le délire auquel on a bien kiffé. Ce qui définit le hip-hop, c'est bien le respect. Yeah. Partage et respect. Le hip-hop, oui, on l'aime parce qu'on aime le respect. Parce qu'on aime le partage et parce qu'on aime la belle paix. Même si l'amour est impalpable. Chaque jour un rattrapage. On rap à balle, à fond la caisse au fond d'un parking. Un poteau fait le beatbox, on pose tout un tas de rimes. 1, 2, 3, 4, plus jeune on fait des pas de danse. La comédie au P4, on se meurt fait sur la cadence. On s'en tapait avec pas de sens. Mais comme des gamins, lors du goûter jamais d'absence. Viens, viens avec un rien, on te mettra l'ambiance. Viens avec les tiens, même si les tiens font du métal en France. On s'en fout, plus y'a de fou, plus son LOL. M-O-L-O-D-O-F, S-O-L-O-N-O-L. Des faux plaire au phénomène, ou plaire au héros, frérot, bref. On est hip-hop comme 007. Certains disques, le disque choqué. J'ai scratché comme un DJ, un disque choqué. Ce qui définit le hip-hop, c'est bien le respect. Hip-hop, c'est bien le respect. Ouais, là, je parle, mais en fait, c'est ma version d'effet. Ce qui définit le hip-hop, c'est bien le respect. Respect, amour et partage. Ce qui définit le hip-hop, c'est bien le respect.